Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Eri, on se retrouve pour Brezonnik, pour Hind en Brezonnik, pardon. Ouais. Kentel, Perhan, Pem, Atriugen. Oui, 465. Déjà. Voilà, déjà, oui, ça continue. Et là, aujourd'hui, on va fusionner les deux premières parties, parce que ça risque d'être un petit peu long. Je vais parler d'un mot qui est très emblématique, en fait, en Bretagne, qui est le mot « bagade ». Je me suis aperçu qu'on n'avait jamais parlé de ce mot-là. C'est quand même curieux. C'est un mot nouveau ou pas, « bagade », d'ailleurs ? Alors, « bagade », c'est un très vieux mot. C'est un très vieux mot, puisqu'on le trouve en gaulois. En gaulois, c'est « bagoda », hein. Et il y avait eu, à la fin de l'Empire romain, la révolte des Bagaudes, qui étaient des paysans ruinés et qui s'étaient reconvertis dans le crime organisé, on peut dire, quoi. Donc, qui étaient devenus une espèce de mafia. Et donc, avec, bien sûr, des révoltes et des répressions, hein. Donc, donc le terme en gaulois, c'était Bagoda. Donc, c'est effectivement un très vieux mot. Et donc, on le trouve dans les autres langues celtiques, en cornique, en gallois et même en gaélique. Et d'ailleurs, en gallois et en gaélique, il a aussi un autre sens qui est le sens de grappe, une grappe de raisin, par exemple. Donc, c'est un groupe de quelque chose, de personnes ou de fruits. Hein. Voilà. Et donc, c'est un mot qui est très ancien, mais qui a pris un sens aujourd'hui. Quand on parle d'un bagade, on pense tout de suite à un bagade de musique, hein, de musique bretonne. Alors qu'en fait, bagade, ça peut s'appliquer à n'importe quel groupe de personnes, hein, bagade tut. Mais ça a pris ce sens-là, quoi. Et donc, c'est un mot qui est masculin, donc avec un pluriel, bagadou, et un diminutif bagadique. Petit bagade. Petit bagade. Hein. Bagade de petit. Ou bagade de petit, ouais, ou bagade de débutant, un peu, quoi. Ils peuvent être vieux, mais être débutants, quoi. C'est l'antichambre pour entrer dans le bagade, quoi. Voilà. Il y a bagadance aussi, un mot qui a été fabriqué pour la circonstance, hein, pour le 14 juillet à Carré. Voilà. Donc je dis le pluriel c'est bagadou et c'est un pluriel qui est souvent mal employé en français puisque j'ai lu encore pas il y a pas longtemps là que il y avait 7 bagadous. Ah ça il faut pas faire. Ben non parce que en fait derrière le chiffre en breton il y a pas de pluriel, on garde le mot singulier. Donc on doit dire 7 bagades, ouais. 16 bagades. Hein. Si on veut, en plus si on veut utiliser la langue bretonne, parce que quand les gens disent bagadou, c'est qu'ils ont envie d'utiliser du breton. Donc, oui, oui, oui. Alors, autant le faire bien. 7 bagadou, ça marche pas, quoi. Hein, donc on doit dire 7 bagades et puis mettre un S, puisqu'en français on met un S au pluriel. Voilà. Alors les bagades ont été donc alors normalement il faudrait dire. En breton, d'ailleurs, on devrait dire « bagadzon aérienne ». C'est une troupe de sonneurs, hein, puisque, ça, pour préciser, quoi. Alors, il y a quelques bagades qui s'appellent comme ça, hein. « Bagadzon aérienne naude »,« bagadzon aérienne baudrigue », donc un groupe de sonneurs, quoi. Alors, les bagades ont été... c'est une formation relativement récente, hein, puisque c'est... Le premier, c'était celui des cheminots de Carré. Donc après la guerre, c'est Polyque Mangaret qui l'avait monté. Polyque Mangaret qui avait monté ça, quoi. Hein. Et ça a été copié sur les pipe-bands écossais, sauf qu'on a rajouté des bombardes. Et autrement, c'est copié sur le pipe-band. D'ailleurs, maintenant en Bretagne, il y a aussi quelques pipe-bands. Donc voilà. Et alors donc on avait fondé ces bagades en introduisant la cornemuse écossaise, qui existait déjà un petit peu en Bretagne à cette époque-là. Il y en avait quelques-unes déjà qui avaient été importées comme ça. Et donc, on a associé la bombarde donc à la cornemuse écossaise, le bagpipe en fait, quoi. Voilà. Et puis maintenant, on, on commence à mettre parfois quelques autres instruments dans les bagades. Comme ? Comme des clarinettes, par exemple. Ah. Quelle modernité ! Oui, quelle modernité ! Oui, oui, voilà. Donc, donc j'ai dit que oui, ça a été créé en s'inspirant du bagpipe. Et aujourd'hui, donc, il y a à peu près dans Bodaï de Gozonerien, hein, donc il y a donc une association qui groupe tous les bagades. Donc, on lui dit Sonarien maintenant. Oui, on dit Sonarien maintenant. Alors, mais les deux subsistent encore, quoi. Donc, tu sais pourquoi? Oui. Parce que beaucoup pensaient que BAS c'était le bureau d'aide sociale. Ah oui, bah ça peut être ça aussi. Mais oui, maintenant ils ont modernisé, on dit Sonarien. Mais j'entends quand même encore souvent BAS, donc ça va certainement cohabiter pendant les deux termes vont cohabiter pendant un certain temps, quoi. Voilà. Donc ça c'est la fédération des bagadous. Des bagades, oui. Alors il y a d'autres mots qui désignent qui peuvent désigner un bagade. Hein. Par exemple un mot dérivé de kelr, hein, kelr donc qui est un cercle, et il y a un mot dérivé mais qui devient féminin qui est kerlen. Donc kerlen qui désigne aussi un groupe de sonneurs, par exemple la kerlen pondi. Très connu. Qui est très connu, oui. Donc kerlen. Et puis il y a Kevren aussi, donc qui a un pluriel Kevrenou, hein. Donc qui est une Kevren, le mot français ce serait section, quoi. Donc par exemple il y a la Kevren Saint-Marc et Kevren Alré aussi. Auray. Voilà. Donc il y a Roland Becker. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas Roland Becker à la Kevren Alré? Oui, à un moment donné, oui, mais. Oui, justement, ça permet de dire quand on les bagades, donc c'est une formation avant tout une formation de défilé au départ. C'était prévu pour ça, quoi, hein, pour faire du défilé. Et puis de plus en plus, ils font d'autres choses, hein, des par exemple avec des chanteurs, avec d'autres musiciens. Donc il y a une évolution dans la musique de bagade aussi, quoi. Avec toujours, chaque fois qu'il y a une évolution, des puristes et puis des progressistes. Enfin, il y a toujours des choses comme ça, des débats internes, hein, par rapport à la musique qui est sonnée, quoi. Alors, il y a 5 catégories de bagades, hein, avec des systèmes. Ça marche comme le foot un peu, hein, on monte ou on descend. Donc, avec des championnats, hein. Championnat d'or bagadou, hein. Donc, ce qui fait pas mal. Alors, il y aura à peu près 130 bagades aujourd'hui recensées, hein. Il y en a un petit peu partout. Alors, j'avais envie de parler du nom des bagades, hein. Voilà. Donc, souvent, c'est le bagade est suivi, le mot bagade est suivi d'un nom de lieu, quoi. On va en donner quelques-uns, en commençant par les plus proches d'ici, Bagade Boulevriac. Bagade Gwemgom, hein. Bagade Zambriek, Bagade Carès. Alors, il y a le Bagade Quimper. Quimper, il y en a plusieurs, hein, mais bon, il y en a un qui s'appelle Bagade Quimper, hein. Il y a 7 bagades à Quimper. C'est vraiment la capitale des bagades, quoi. Je crois qu'il y a plus de 200 sonneurs de cornemuse à Quimper, oui. Voilà. Bagade Briek. Alors, il y en a, plus inattendu, bagade Soison de Sévignette, Sévignette, c'est-à-dire le bagade de Cesson-Sévigné, bagade Kervourdel, c'est Bordeaux, bagade Energévros, hein, toujours, donc c'est Ergué Gabéric, hein, toujours dans, bagade Trélazé, à Trélazé il y a un bagade aussi en Anjou. Il y a eu beaucoup de Bretons qui sont partis pour travailler dans les ardoisières, qui sont aujourd'hui fermées d'ailleurs, comme celle de Paris-ci. Hein. Bagade Meyouglas, alors c'est un quartier de Quimper, hein, Moulin Vert. Donc, Bagade Meyouglas ou Moulin Vert. Hein. Bagade Concarné, hein, Concarneau. Voilà, alors des fois, c'est pas le nom d'une ville, c'est le nom d'un pays. Bro, hein, par exemple... Bagad Brofouen, hein. Le Bagad Kerné aussi, qui avait été fondé en 1999 par Erwan Repars, hein, qui était l'ancien Penzoner de... Tiens, j'ai pas dit ce mot-là. Penzoner, hein, qui est le chef sonneur, si on veut. Hein, le Penzoner, hein, dans chaque Bagad, il y a un Penzoner. Hein. Donc, qui avait été fondé par Erwan Repars. Hein. Ou une Penzoner, est-ce qui est le cas pour le Bagad Spayet? Oui, oui, une Penzoner, oui, oui, oui. C'est assez rare pour le noter, non? Oui, oui, c'est intéressant de le noter, oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bah oui, ça se féminise aussi, hein. C'est vrai qu'au départ, il y avait que des hommes, hein, dans les bagades, hein. Et puis que petit à petit, ça se féminise aussi. Ah, donc, le Bagad Kerné, donc, qui a été fondé par Erwan Repars, qui est disparu récemment, on en avait parlé, hein, dans notre chronique, là. Et le fils de Loïse Repars. Et le Bagad Cap Caval. Donc, Cap Caval, c'est le vieux nom du Pays Bigoudin. Hein, donc, de Plumeur. Plumeur en Pays Bigoudin, quoi. Alors, parfois, on a des noms de personnages. Hein. Par exemple, le Bagad Kadoudal, à Verne-sur-Seiche. Le Bagad Sandewan, à Bubri. Hein. Le Bagad Marionik Brouwer-Fawet. Ah, Marion du Fawet, hein, voilà. Le Bagad Nominoé à Redon, par exemple, voilà. Alors, parfois, donc, il y a le mot sonérien, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Par exemple, ce qui précise et qui est plus juste, en fait, Bagad sonérien. Hein. Bagad son, alors, c'est sonérien ou sonérien, hein, selon qu'on est en KLT ou en Vanté. Bagad sonérien Landerster, donc Lannister. Bagad Sonerion Brodriger. C'est là, je les avais vus défiler à la fête de l'Andouille, là, à Gemenis-sur-Scorff, je crois que c'était l'année dernière. Et donc, et ils sonnaient l'air du rôti, hein, qui est Zonorost, oui. J'avais trouvé ça pas mal. Voilà. Zonerion Note, ça c'est à Pont-l'Abbé, hein. Bon, et puis il y a des noms divers qui rentrent pas dans les catégories qu'on a citées là. Donc par exemple Bagad Melinerion, hein, donc les meuniers à Vannes, hein. Bagad Ronsenmoor à Localmandon. Ronsenmoor, donc des chevaux de mer, des hippocampes peut-être, hein. C'est joli. Ouais. Voilà, Bagad Awel Douar de Malestroit. Bagad Urbanal Hour. Donc le jeunet d'or, c'est Banalek. Alors, il y a Banalek et Balanek, ça dépend comment on parce que il y a deux façons de dire jeunet. Donc ah oui, hein, que j'aime bien, c'est Bagad Euregos. Ah. Hein, Euregos, c'est des vétérans en fait, hein, qui ont créé un Bagad et qui est assez spectaculaire, oui. Le Bagad Avelbro Pagan, hein, de Guy Seny. Le Bagad Kéris de Clichy, hein, donc des Parisiens. Ça me fait penser que autrefois j'y habitais, Clichy, effectivement. Et il y avait un cercle de Bretons qui s'appelait Trégar à Kerné. Mais il n'y a pas de Bagad encore à l'époque. Le Bagad Langbiloué, hein, Langbiloué est très connu, hein, bon voilà. Et puis pour terminer, le Bagad Karukera de la Guadeloupe. Oh, c'est joli ça. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais enfin, c'est un Bagad, donc, de la Guadeloupe. Les Kefal Videchuilles. Les Kefal. On peut dire aussi quand même que les Bagades, c'est quand même un moyen fantastique pour apprendre la musique. Ah oui, c'est la première école de musique en Bretagne. Première école de musique en Bretagne. Ah oui, oui. Ah oui, de très loin, oui. Des prix défiant toute concurrence. Oui, oui. Il y a à peu près 10 000 sonneurs. Hein. Donc, effectivement, c'est très important, oui. Voilà. Et puis beaucoup de couples de sonneurs sont sortis des Bagades, quoi. Voilà. On passe à Petrazoné-Vervro, alors, Henri. On passe directement à Petrazoné-Vervro. « On passe maintenant à la troisième partie de Inter Brezhoneck, Petra Zonevé-Arvro, la Gazette d'Henri Le Naou. Eri, Petra Zonevé-Arvro. Un calze droit, il veut juste boire, je dis aux hommes. Krogum, velkis, accustum, gandela, bourdouar, agarvu et war armèse. Les vaisseaux au bé de Bazambrie, que salon stérali, de l'Ardé, salon de la bourdouar, et vite département de Haute ou en Arvor. À calze d'une zodeut, wardro, seis warnu, une mille, bénéfine, hein, pésor à calze. À calze droit, ou à de zis qui donne dut, à square, ou à concours broad, leur zone normande, vide brovrance bé, à gare zodeut, de l'onde de ze pemze département, ak wardro hanter pemkan zaver zout de zo wen normand zo be de ud ak ar zo be disk kal ze londe de dud ak ze zo brav ba blamen wa ke concours gist be pu dur vo gred ba nangle ba fine miseven vo gred concours vidorgiste war département chez Brace. Ag vos grès de concours, vidangiste, vidon douralou, Ergis Lambiquet. Goudrait de péterer Ergis Lambiquet. Non. C'est zo, pesvela pomo, un galag, hein. Zo, on dra grès gangiste, à grande lambic. Ag concours lambic, et vel juste, hein. Blanc me waket, wak concours gis, mais concours wa vie de bire. Puis je vais au calze, avec gré calze bière, brom, bah, braise, hein. Ou à deux, spen, Hugenstall bière, ou à deux, de, grande bière, de, gazézo, on tombe, on dra neve, bavro. Wardash, l'arbre d'ouars au calze draw, un anque mord, mar et man. Wardash, un mar à de mort, ne y'a que goalvard, un draw. Chomera réise leur prise, et vite payant, cargo aux avériennes. Ag, un autre, folle, ministre de l'arbre d'oua, eux aux deux, né vaisseau, braise, à promettre une d'or, il s'est possible, et vite classe qu'on discloune d'un cadence, mais du roi vos dièses. A wardash un, bévin, là, que gueuler un trou, hein. Peut dire vie de long de corne bonnes au diestério war mahat war da chenor politiqueres vraiment krog et trou de virvi vie de vota de gou rendvro ag vogred ba finor bla ag bonne vela en dar krog et trou de virvi hein blanc me ma 13 en vos onem gleu gan en duzo du gan de rendvro quand mur galoud hein de l'aradé Braise Europa hein zo casse de grande Caroline Olivro Bretagne Progrès hein Strola de Christian Troidec NUDB Bretagne écologie Strola de parti breton ma 13 nouveau gueule tout de rien au bord au liste hein Warren ma 13 nouveau grade Christian Tradek veut faire de panelisten. Mais bon, j'ai, voilà de vos, pis un mot de vos comptes. J'ai fait bête d'un drap neve, me mestra, neve war, braise. Bon, videur PS, ma 13 un nouveau, wararang Jean-Yves Le Drian, avec Guaras. Jean-Yves Le Brian, zo, Le Drian, voilà, Le Brian. Le Drian, zo, ministre Brezel, ma marme, hein. J'ai le vigilardzé. Le ministre de la guerre, quoi. On me fait là de la défense, mais mi blichtine là, ministre Brezel, tostore de ze virion, ag, bon, Marc Le Fur, vinen tuguen, Marc Le Fur, justement, ne se guide au lever des vaisseaux, de display grand temps, mi venos you, hein. Muscolène de lever, mais de clève, muscombe de ses. Bon, wardash en économies, ne la rien que calze droit d'art de ce FIFA, plus dur, alors FIFA et, strola loire, hein, war dro, war bel droit, war bête, ag, pelzo, war en boire, bonnes au Berner, en banafer, à l'homme VR, en evel jus, velerien, quasi popet, hein, zé disait, j'ai chat, l'aérien, à Guillaume Crin et autres et l'Arienze et Veljust à Gevigenomzer l'Arienze et Dorn à Dorn à Gevigenomzer et Horbrezel et Neide Gile bon, 10 vaux bon, ma 13 vaux change de peine mais le gafketin change aussi calzedraou bon, dans mon temps war un dash en arzevena dur brommen boit tribla war nugenzo ve komze de ze zinan carta bro europa et vidarier ou grasket bon scrive lo abe de velmeslar atar tribla war nugenzo hag bon calze broio une zine de carta ze harta ze met pas pas brohal et vel juste hag ur pot François Hollande pe oa au Cambali triblasso ni oa promette ferme vige bezine de carta ur Jezu Gwaske de gant gouvernement de brohal bon et vel juste oa l'erze oa bedin en quoi adze met meus ang ve zo deux te jonge de ma trezen ve fe bema de prometize oas hat prometize oas plus durement vota dégo au ton droit ag vido borzé et dièse on temps plus dur constitution ou ben benfed république ou ben scrive quand Michel Debré a gui vignon de da ag voilà que barz ou gala guise république bon c'est tu plus dur manger ba constitution peut baler une sture ma personne évite ten osé mais il red la quatre sembles un député d'un an potre de Camberigos alors c'est non ma personne purisé alors c'est non et Camberigos ya ah, ya vel sénilité quoi bon ma mère regrisionnée ya ag bon vers red d'orzé la canet toute sembles vide en pesvegue de Hongrais hag au red cas de triugen dragon de Zambouezou, un peso quasi war impossible. Hag en ces yeux roirs, vos trubardes de Breton ne devraient choix. Mais Breton ne zo costume de vos trubardes, hein. Hag en ces échanges que calse. De ce que quoi le belzo, puis on comme de Zambrezon, zo grès d'or film, gand choisi Danielou, diwar ben un du de neus bet de treuskas et d'ar brezon de do bugal e ba tro ur blavez yo hanter kan o neube familio neus der treuskas ar brezon de gain de houls a gouskoud e de houls vigeget brezel d'ar brezon de gantou de Jacobine da Jacobine rue Jacobine gwen Jacobine de pechard à ne voir que bras, disent qu'ils brisent en leur vue galée. À leur films, ils veulent juste, zo hanved, leur guin, un éque d'leur guin, hein. Mais leur guin de la radée, un natror, un natvoud de ze yod, au vejvé betrohot. Le regain avait l'art d'une, une galac, de ce que. Ya? Leur nom, avec le cas, leur guire avec le cave d'Alise, hein. Leur guin. Ag bon parce que quoi leur film un disque des B de bazar cinéma grand bleu ne ce que Pelzo mais ne parce que le Monteveld mais je vont déjà le rendre vos quoi leur films ma 13 noix m'appelle Velrez on ne veut je peux nek hein bon puis tant monde bah cinéma bah calag ma 13 ne fait B de fait B mode bon, Waranda Chanel, des vaisseaux y est un an ou François Maé, de ce que calze du Zuroir à ne jonge pis ou à François Maé, his wa au nom de ze Gueland Reder y en war Varhourn, bah, Amzer Robic à Luison Bobet, à bon, ne se bid, Schuppen Vellen, pas de, on tombe Amzer war, un tour de France, hein, de Hulz Gwegel, à Péouane, quand ferme ce biclé, comme de François Maillé, quoi. Mais bon, en quoi est des Pelzo, hein, Perbla, Perruguenois. Bon. Réseau tram de Neveso, Batal Castel Perdo, Bagwen, comme Zobetzoué, Zuroir, puis dur, Hastel Zobé Neted, hein, vraiment, est clair, hein. à Iwalouz, hein, à Bremen et Sclair Magorio, hag un temps fel ma vefebe do rastel neve, hein. Hag bon derrière à wa, mon warog, hag tres, hein, vid obor deux rastel au l'air mur, deux heures vro. Un DL, vejo ve, ve gwelet ve, ve lak de sembles, bugal et otis qui brezon, donc. À ces moments, hein, dix vélagnes, ve dix que Brezon ne gandrait à l'éviter. À Gendel ou à Bacampostal, justement, de, Bugal et de ce scolieux Christ, notice qui Brezon, donc. À que, ou à Spen, Spen Dohan, très Dohan à Trihan, Bugal et, non. À, tis qui trop, Chilo Contadeno, Chilo Zoneras, Tansal, Hoariou, à Bob Sortro. Hag oa kalz e blijadion. Baskol diwan boulvriak, ya mad en trao, peut-dur, oa bet digor de vid en distro skol gant dek skoliat, hag bremañ zo ugen, hag anse, bon, non or obla, hein, ne ke fal, hag bon, chans va, na hen de skol diwan boulvriak. Ba kalak zo bet digor, en deus ke gwal belzo, en disko ezadak, war a yevlek, ba mirdi, chach, hein, mirdi en espagnol, hein, hag a zo un disko ezadeg, war a zo randvet, breiz bro ar yevlek, hein, galak Bretagne, terre de Bekas. Hag bon, un disko ezadeg zo betag fin de misgwen golo, pe hantar misgwen golo, tienta. Hag an se, min non ke befel a droaz, me jon jon don. En avement des bavro strola de zoner yon du, hein, plus dur pempla de warnugen, pempla de warnugen en gret, hag ni dideo zan zo de mes de ce que gwal belzo, meus que clé d'anroise, mais de bon zoner yon du der a mon warog, ne que ma me zoner yon du tin, plus dur ve change, tant ma tant ven change, mais de strola der a mon, bon. À Zurwar et en blad, parce que clé, non, parce que clé, voilà. Non, non, bah, Guelvo, puis c'est un mot de mon compte. Et bien, juste, bon, meuslar, il y en a quand même meuslonnaire, il y en a, plus dur, un titre, un blad, n'est franquise, hein. Plus dur, c'est au grand nom, un bar, c'est au grand, grand, grand, grand, Louis Jacques Suignard. Suignard. Donc, on a toujours au rendez-vous. On a vu mode, ben, quand Chiloer, il y en a RKB, hein, plus dur, t'as Alice de Velhanon, ben. Wardash et Nezévena, du roi, on a toujours, nez gré de, on disco isade, bazambrié, gabagwengan, Charles Frégé, photoyo, ou l'arvegwel, un merret, gandiad en gounel, hag, bon, de ce gwel, des photoyo, ou braoutri, bon, gwele vagn ba, nantor ba chapel en tiker ba gwengan, ba reyel ba mirdi, zambriek. Bon, peont komps deus, archéologies, on nemglev zo bezin neus ke gwal belzo, gant, ker karez a ker Herculanum. Ne, vekelard Herculanum tin, hein. Ercolano velard, un italien, nek, hein. A guénan, bon, hier, zo wabé, hier, zo wabé de, distruge, gant, ménétan, nor vésuve, babla, nante gatrug, en, waler, Jésus Christ, hag, bon, zo, l'air meur, vide, d'archéologie, ah, c'est tu vraiment, vorgium, carès, hag, Herculanum, Herculanos, au ronde de laboura de sembles, et vide vidiski peso bid covered bando bon c'est du jonjalran même gré d'un tom un dro de ce peso neve bavro merci Eric Anavo bon c'est norvégien là Morgan.